Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Thomas Pondevie. Bonjour. Nous allons parler d'un spectacle qui a pour titre Supernova. Alors je précise immédiatement qu'il n'est pas question d'une rencontre avec un astronome, mais bien avec un homme de théâtre. Tout à fait. Le titre du spectacle est vraiment pensé comme une métaphore. C'est avant tout le titre de notre petite baraque foraine qu'on va installer sur le plateau de la scène nationale. C'est la métaphore des trois récits qui vont se succéder dans mon spectacle. On passe d'un récit à l'autre, en fait. Les récits arrivent et puis disparaissent. Mmh. Un peu comme des supernovas, donc ces étoiles qu'on voit au moment où elles explosent, au moment de leur explosion et de leur disparition. Mmh. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être nous préciser un petit peu votre état d'esprit dans lequel vous travaillez. Je sais que ce spectacle est l'aboutissement d'un cycle de recherche sur l'invention de formes théâtrales et spectaculaires de transmission des récits, ce qui va nous expliquer ensuite le dispositif que vous avez pris en compte pour cette création, pour ce spectacle. Tout à fait. En fait, la première des choses avec ce spectacle, c'est une sorte d'amour de la nouvelle et des histoires. Alors c'est un truc vieux comme le monde, se raconter des histoires, mais aujourd'hui, nous, on avait envie de travailler à ça, c'est-à-dire comment on fait pour raconter des histoires et travailler uniquement sur l'imaginaire, en essayant de faire en sorte que les spectateurs imaginent, donc de faire voir aux spectateurs des histoires, en leur en montrant le moins possible. C'est-à-dire aussi en essayant de fabriquer avec le théâtre, qui n'est pas un médium comme les autres, puisque au théâtre, on fait pas comme au cinéma. Et la question de la représentation est une de nos grandes questions. Vous nous invitez à aller à la rencontre de trois anti-héros de la littérature, trois récits qui ont peut-être pour point commun une forme de tragédie de l'existence. Alors les trois histoires qu'on a choisies, effectivement, c'est bon, d'abord trois histoires de grande littérature, puisqu'il s'agit d'une nouvelle de Jack London, d'une nouvelle de Franz Kafka et d'une nouvelle de George Orwell. Et bien que leur style soit très différent, le point commun de ces trois histoires fulgurantes, comme ça, puisque c'est cinq pages d'histoire et puis c'est fini, l'une après l'autre, par à chaque fois un acteur différent, donc c'est un spectacle de solo, hein, trois solos qui se succèdent, le point commun de ces trois histoires, c'est qu'à la fin, les personnages meurent. Et c'est donc une sorte de recherche aussi sur le destin de l'homme, puisque ces trois histoires qu'on va faire face à des situations exceptionnelles, et qui vont réagir chacun à leur manière, mais tous vont sombrer. Alors, on parle bien de dialogue entre ces trois personnages qui, dans la littérature, ne se sont jamais rencontrés, de fait. Absolument, ils ne se sont jamais rencontrés. Le spectacle les propose l'une après l'autre, ces trois histoires. On ne donne pas de solution au fait qu'ils sont proposés l'une après l'autre. C'est au spectateur de faire le montage. Donc il y a des points communs forts comme celui qu'on vient de donner. À chaque fois, les personnages meurent. Dans chacune des histoires, il y a un animal. Mais je pourrais dire que c'est le décor aussi qui fait la liaison entre ces trois histoires, puisque les histoires sont racontées dans un même espace, une même boîte, qui est peut-être le quatrième acteur du spectacle. Les narrateurs ne renoncent jamais, effectivement, il est dit qu'ils continuent envers et contre tout de tenir leur représentation, d'où effectivement l'apparition et le quatrième personnage, comme vous dites, cette boîte à fiction. Alors vous la situez, elle a été inspirée, dites-vous, entre sort forain et spectacle de prestidigitateur. Eh bien oui, parce qu'en fait c'est une petite boîte, alors on appelle ça comme ça, nous notre décor c'est une boîte qui fait 4 mètres par 5 mètres, qu'on peut poser un petit peu partout. On la pose ici sur le plateau de l'ancien théâtre 95, et on l'a aussi installé dans des salles des fêtes, dans des centres sociaux, dans des gymnases. On l'a pas mal déplacé, ce petit dispositif, dans des lieux parfois non théâtraux. Et cette boîte a un certain nombre de rideaux qu'on découvre au fur et à mesure. Donc on rentre dans la boîte comme on pèle un oignon, on ne comprend pas exactement de quoi il s'agit au début. Et puis la boîte se transforme et propose même des déplacements aux spectateurs qui sont invités à tourner autour du dispositif avec des petits panneaux par là et par ici à certains endroits du spectacle. Et donc elle est véritablement, en jouant sur l'attente des spectateurs, sur ce qu'elle peut dévoiler, le quatrième acteur du décor, du spectacle. Mmh. En parlant d'ailleurs du titre Supernova, dans le dossier de présentation, vous nous rappelez que ce sont des phénomènes prodigieux, traces lumineuses de l'explosion d'une étoile. Elles ne s'offrent à la vue qu'au moment même de leur brutale et flamboyante disparition. Le spectacle, dites-vous, en un sens, leur ressemble. C'est-à-dire, moi, une chose qui me fascine, en fait, j'avais toujours dans la tête une phrase de Roland Barthes qui dit « Le spectacle est la plus déchirante des fêtes. Je vois, je jouis, et puis c'est fini. » Et c'est vrai que le spectacle est éphémère par essence, et c'est absolument fantastique. Ça n'existe ensuite que dans la mémoire. Donc, au moment où on le voit, on peut en profiter, et puis après, on peut plus qu'en parler et essayer de s'en souvenir. Et ces trois nouvelles, pour moi, c'est un petit peu comme ça. On a décuplé ça dans le spectacle, puisque c'est trois fois une histoire. On essaye de se souvenir de la première qu'on rentre déjà dans la deuxième, et au moment où la troisième arrive, on a déjà entendu deux histoires, et on fait les échos. Et c'est un peu sur cette magie-là du théâtre qu'on avait envie de travailler, puisque les supernovas, c'est ça. Mmh. On les voit au moment où elles sont mortes, ces étoiles. Vous évoquiez tout à l'heure effectivement ce spectacle comme étant une métaphore de la chute qui interroge tout autant ce qui fait la théâtralité que les limites de la condition humaine. Là, on est effectivement une manière de nous replonger dans nos réalités où la vanité des hommes est toujours, on va dire, sur le devant de la scène, le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire le théâtre, c'est un outil absolument formidable puisque c'est un outil d'expérience énorme. Et c'est peut-être le seul endroit où on peut mourir plusieurs fois, et où on peut regarder un peu la mort en face. Donc nous, évidemment, on s'amuse de ça. On expérimente ce que ce serait à chaque fois de mourir et de remourir sans que c'est, heureusement, au théâtre de conséquences réelles. Et donc on en profite. C'est quand même l'endroit où on peut s'essayer, voilà, et voir ce que ça fait et réfléchir à la condition humaine jusqu'à son terme. Mmh. C'est le seul endroit où c'est possible. Alors, on parle évidemment de ce dispositif scénographique mobile et transformable. Vous disiez être présent au Théâtre 95, effectivement, l'affiche de Point commun, la nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise et du Val d'Oise, les mercredis 4 décembre à 20h30 et le jeudi 5 décembre à 19h30, mais également, en effet, dans la salle des fêtes de Widi Joli Village, puisque vous êtes dans le cadre aussi, ce spectacle est présenté dans le cadre du Festival théâtral du Val d'Oise. D'un lieu à un autre, effectivement, il est possible de s'adapter complètement. Ah, tout à fait. Nous, on a conçu le décor de ce spectacle pour ça, pour pouvoir le déplacer un peu partout et s'adresser à tout type de spectateurs, c'est-à-dire en ruralité, là dans le cadre de la ville nouvelle en plein cœur de Cergy, mais aussi dans un petit village, mais aussi pour des lycéens, mais aussi on a joué ce spectacle dans le Vercors. Et moi, ça me tenait à cœur aussi de proposer un spectacle, parfois où on l'attend pas, dans des endroits où on n'a pas l'habitude de présenter des spectacles. Je pense qu'en plus, ce spectacle a moi, je tiens à cette dimension populaire, artisanale du spectacle, qui peut être présenté un peu partout et absolument pour tous. Voilà pourquoi, et on se réjouit, nous, d'aller dans ce petit village, une toute petite salle des fêtes dans laquelle on va essayer de faire rentrer le décor du mieux qu'on peut. Voilà, mais puis avec un nom pareil. Oui, dit joli village. En effet, comment ne pas être attiré par cette commune du parc naturel régional du Vexin. Dernière chose, le choix des auteurs, textes de Franz Kafka, Jack London et George Orwell, vous auriez pu en choisir d'autres ? On aurait tout à fait pu en choisir d'autres, c'est vrai, c'est le hasard des lectures et de mon amour de la littérature qui a fait se rencontrer et se croiser ces trois textes-là. On réfléchit déjà à d'autres nouvelles pour d'autres projets, mais c'est vrai que c'est vraiment une conviction que la littérature, c'est vraiment un art d'aujourd'hui, et quand on voit la réaction de certains spectateurs, et vraiment là de tous âges, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, cette capacité à capter en fait les spectateurs par le récit, par le langage, par la langue. Le théâtre a fort à faire avec la littérature et encore pendant longtemps, et j'en suis persuadé. Et c'est ce qu'on vérifie avec ces nouvelles. On a bien noté Supernovas, à découvrir évidemment les 4 et 5 décembre, je le rappelle, au Théâtre 95 à Point commun, la nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise, et le samedi 7 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Widi Joli Village. Merci Thomas Pontdevy. Merci à vous.